café, des camionneurs. Il y a ceux qui ont l'honneur d'avoir eu le courage de finir une longue nuit de liesse. Ceux qui sont parvenus à ramper jusqu'au bout d'une longue soirée d'ivresse. Des confessions à tout vent, les premiers baisers sans question. D'ailleurs tous ici s'en vont prendre ailleurs un dernier verre de passion. Du malheur qui se repent enfin d'avoir sévi hier sans fin. La première fugue d'une petite fille sans complexe, étonnée des trop petits matins. Au petit matin, nonchalamment, la vieille sommelière esquisse un pieux bâillement. Les restes d'un festin de roi, les balayeurs qui se pressent de nettoyer le trottoir avant que les passants n'arrivent pour le souiller de leurs pas avides, de leurs pas avides. Au café des camionneurs, au café des camionneurs.